caché en fond, dis-moi. Et mon déjà c'était mon pâté qui serait longtemps. Mais des bras longs m'ont saisi moi. Caresse toujours, caravagez-moi. Mais gardez pas bon chez moi. C'est là qu'il n'y plus des gars. L'ombre joue qu'à tranquilliser moi. On oh, laissez-moi avouer. Antiprier m'en garde pour. Les moins qu'un senti chaleur.